بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية تقدم لكم فتح العلامي في دراسة أحاديث بلوغ المرام. تخديه كومنتي بار أبو تيمية خليل المرتنيكي حفظه الله تعالى. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ما بعد. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 52 عن أنس رضي الله عنه قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في قدمه مثل الذفر لم يصبه الماء، فقال: ارجع فأحسن وضوءك. أخرجه أبو داود النسائي. مثل أنس رضي الله عنه que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a vu un homme qui avait dans son pied l'équivalent d'un ongle n'ayant pas été touché par l'eau. Donc il lui a dit: retourne et fais bien ton wudu. Le hadith était rapporté par Abu Daoud et Nasa'i. Et le hadith est da'if. Donc le hadith il est faible, mais le jugement il est authentique. Donc il dit: المسائل والأحكام المستفادة من الحديث. حكم الموالة. Donc là maintenant c'est quoi? C'est le jugement de la continuité dans le dos, le fait de d'enchaîner, de le faire d'affilée. Quand tu fais le dos, tu fais d'affilée tout d'un coup. Donc il a rapporté une parole de An-Nawawi qu'il dit que le fait de laisser un laps léger de temps lors de l'odo entre les membres, cela ne nuit en rien avec Ijma. C'est-à-dire quand tu fais l'odo par exemple et tu t'arrêtes un laps de temps pour une raison quelconque et après tu pousses ton odo, shalam meyadour. Un temps khafif, court. Quant au laps de temps qui est plus long, là-dessus il y a divergence. Certains voient que cela ne nuit en rien. Et que le fait justement al-mawala, c'est le fait d'enchaîner tout d'affilée, ce n'est pas obligatoire. Plusieurs ulama ont vu cet avis-là, et parmi eux, Cheikh Mokbil, rahmallahu ta'ala. Et ils ont eu comme preuve un hadith, ou plutôt un athar rapporté de Ibn Omar, radiallahu anhu, qu'il a fait l'ozo dans le souk. Ensuite, il fut appelé à une janaza. Donc, il est entré dans le masjid, et là, il a suivi ses khouf. Il n'avait pas fini l'ozo. Il faisait l'ozo dans le souk. Après, il a été appelé pour une janaza. Il est venu au masjid, et là, en entrant dans le masjid, il a fait le mas. Il a suivi ses khouf. Pantoufles. Et ce athar, il a été rapporté par Bayhaqi dans le Kubra, selon le Kubra, avec un isnad sahih. Et ils ont pris également ce hadith comme preuve. Car le professeur Sam a dit: Irjir fa arsin wudu'ak. Il retourne et refait bien ton wudu. Ils disent qu'il ne lui a pas ordonné de recommencer. Ça, c'est une fahm, c'est une compréhension du hadith. L'autre call, l'autre avis, c'est qu'il est obligatoire justement de faire l'odo d'affilée. Et que le fait de laisser un laps de temps, un intervalle entre le lavage de chaque membre, cela, un intervalle long, on va dire, hein, cela peut nuire. Et c'est également la parole de plusieurs ulama. Et eux voient que ce hadith, justement, le hadith de. Hadith d'Ibn Anas, qu'il voit justement quand, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Irji' fa arsin wudu'ak, pour eux, si tu recommences. Le hadith, ils l'ont compris dans le sens de recommencer l'odo. Car ils disent que si jamais il n'était pas obligatoire de faire d'affilée, il serait contenté de lui dire juste de mouiller la partie qui n'a pas été atteinte par l'eau. Quand même. Là, il a dit irji ou ahsin wudu'ak. Retourne et fais bien ton wudu. Donc le hadith, il est interprétable. Akada ou akada. On a dit non, regarde, il a dit retourne et fais bien le wudu. Et d'autres disent, ça veut dire qu'il n'a pas recommencé. C'est-à-dire, pour ils ont compris dans le sens qu'il a juste lavé la partie qui manquait. Et d'autres voient que non, ça veut dire qu'il a recommencé le wudu. Sans qu'elle aurait dit irji' wa ballil al makan dhak mathalan. Retourne et mouille cette partie-là. Mathalan. Ça, c'est un khilaf tafahum. Un khilaf il afham. Divergence dans la compréhension du hadith. Après, les personnes qui, elles, ont vu, les ulama qui ont vu l'obligation de faire l'eau d'affilée, qu'il n'y ait pas d'intervalle entre le lavage des membres, eux-mêmes ont divergé sur un point. À quel moment cela est-il permis ou pas? Parce que des fois, tu peux t'excuser. Une raison qui fasse que tu n'as pas pu poursuivre l'eau entièrement, ça t'a amené à une coupure, une interruption. Donc, ils ont divergé quant à la cause. D'accord? La cause qui t'amène à interrompre ton eau. Et d'autres ont vu, non, pas d'interruption. Mutlakan, à l'absolu. Si jamais tu es amené à interrompre ton eau, alors tu le recommences. Oui. Non. Après, c'était une parole de Cheikh Al-Islam Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, dans laquelle il dit que ceux qui ne voient pas que c'est obligatoire de faire d'affilée, ils ont pris comme preuve le affaire d'Ibn Omar. D'accord, qu'il a lavé, qu'il a fait l'eau d'eau, qu'il a lavé son visage, ses mains, qu'il a essuyé sur sa tête. Ensuite, il fait appeler pour une janaza, et de là, il a essuyé sur ses rouf. Et après, il a fait salat sur la janaza. Donc, il dit qu'à la base de la religion, c'est quoi? C'est fattakullaha mastata'tum. Craignez Allah autant que vous le pouvez. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, idha martakum bi amrin fatu minhu mastata'tum. Si jamais je vous ordonne de faire une chose, alors accomplissez-la comme vous pouvez. Donc celui qui n'est pas en mesure de faire l'oseau d'affilée, de poursuivre dans son oseau, qui a fait en sorte d'y arriver mais il n'a pas pu, d'accord, il est excusé. Il est excusé. Par exemple, quelqu'un qui fait l'oseau, il y a ce coup de coupe sur lui. Bathalène. Il fait l'oseau. Et l'eau coupe sur lui. Et donc il cherche une autre partie où il y a de l'eau, kada, kada. Il a interrompu son eau. Ça se trouve, il a tourné un bon moment avant de trouver. Donc il dit, celui-là, il voit assez. Parce qu'il a une excuse. Par contre, celui qui peut le faire, qui l'a délaissé, et en est volontairement ou quoi, celui-là, il recommence depuis le début. D'accord? Et après, Cheikh Ibn Hizam, il voit que c'est la parole de Cheikh Al-Islam qui est la plus prépondérante dans le fait qu'en fait, là-bas, c'est que tu poursuis. Mais il se peut qu'ils sont interrompus pour une raison quelconque, malgré toi. Ce n'est pas toi qui as voulu. T'arrives une chose, voilà. Donc, en fonction de cette interruption, la cause de l'interruption, tu peux poursuivre. Inch'Allah ta'ala. Après, il a fait mas'ala. Dhabit al-tafliq al-kathir al-ladhi yunafi al-mu'ala. Après, il dit, c'est quoi les normes de l'intervalle, de la longue intervalle qui interrompt la continuité dans l'odo. C'est quoi la durée, en fait? Et en fait, il n'y a pas vraiment de dalil par rapport à ça. Il y a différents aquel. Il n'y a pas vraiment de dalil par rapport à ça. Donc lui, il voit tout simplement que, après, il y a ces différents avis, mais là, comme je l'ai dit, ils sont basés sur aucun dalil, tous ces ijtihadat. En fait, le long, l'intervalle, c'est celle qu'on considère nous comme étant longue. En fait, que tu as fait l'odo, tu t'es arrêté un long moment. À tel point même que tes membres, ils ont séché, par exemple. Même ça, il dit, ça dépend de la saison. En été, en hiver, c'est pas pareil. Mathalan, s'il y a du vent, il n'y a pas du vent, c'est pas pareil. Ça diffère. Donc il dit, en fait, c'est la longue interruption, celle qui amène à ce qu'on considère que tu es c'est trop longtemps. Mais même ça, elle n'a pas vraiment de normes. Elle n'a pas vraiment de normes. Parce qu'il n'y a pas de dalil pour dire 30 secondes, 40 secondes, 1 minute, 5 minutes. Il n'y a pas de dalil. Par rapport à ça. Donc c'est un khilaf qui est assez large, d'accord. Il n'y a pas vraiment de pas vraiment de dalil dans cette mas'ala. C'est surtout ijtihadiyya. Après, il conclut avec une parole de Cheikh Al-Othaymin dans son Cheikh Al-Mumti, rahmallahu ta'ala, où il dit, lui, Cheikh Al-Othaymin, il voit que c'est obligatoire de poursuivre Al-Mawala. D'accord. Il dit seulement des choses peuvent amener à faire exception. Si jamais ce sont des choses qui sont liées à ta tahara, à ta purification, tu peux t'excuser. Comme le fait, par exemple, tu fais l'odo. Tu fais l'odo et sur tes vêtements, tu te rends compte qu'il y a de l'urine. Mathalan. Tu es en train de faire l'odo, par exemple, et en faisant l'odo, tu te rends compte que sur ton vêtement, il y a de l'urine. Donc, faut que tu laves l'urine sur le vêtement. De quoi? Non, il faut l'aller maintenant. Le najaza, il faut l'aller sur les haines. Sur le champ, il faut que tu l'enlèves. Comme la haine, on a vu. Le najaza, c'est sur le champ. Quand tu fais la salade, tout comme ça. Donc il dit, si par exemple, tu vois que c'est sur ton vêtement, parce qu'après, il se peut que tu oublies, quand tu sais plus où c'est où, tu vois, donc fais-le tout de suite. Si jamais tu prends ton vêtement tant que tu frottes, t'as interrompu ton odo. Et après, tu reprends. Il dit, Adam et Adur. Quand même. Par contre, c'est une chose qui n'est pas liée à la tahara, par exemple. Il y a une tache de sang sur ton vêtement, autre que le sang des haïds. Je sais pas, tu fais l'odo et t'as saigné du nez, par exemple. Il y a du sang qui est tombé sur ton vêtement. T'es en train de faire l'odo, par exemple, tu fais le smicher, et après ça, il y a du sang qui vient sur ton vêtement. Là, tu interromps l'odo pour laver ton vêtement avec du sang. On dit non. Poursuis l'odo, et après, tu laves. Vous voyez ? C'est-à-dire, il a lavé le sang à tel point que après son odo, il a séché et tout, et donc lui, il recommence. Donc si jamais, comme on dit, l'interruption est liée à ta purification à toi, chose dont tu as besoin, t'es excusé. Tu peux interrompre ton odo, nettoyer cette chose et reprendre ton odo. Par contre, si ça ne l'est pas, c'est une chose qui est externe à la purification, que tu peux repousser à plus tard, celle-là tu la repousses. Si jamais tu l'as fait, l'odo tu le recommences. Quand même. Et après, fil par mas'ala, ta'mim el-radou. Il a juste rapporté la parole de Cheikh Al-Othaymin. Bah, il voit cette avis-là, quoi, en fait. Quand il rapporte une parole toute seule comme ça, c'est que c'est la vie qu'il voit, en fait. Et comme je l'ai expliqué, il fait toujours sans d'avoir un savant qui l'a précédé. C'est ce qu'il dit. Après, il dit, Mas'ala, Ta'mim et l'Aradou. C'est-à-dire, en fait, le fait de mouiller tout le membre de l'odo. Il est obligatoire que toute la partie concernée par l'odo soit mouillée. Tu ne dois pas laisser une partie sèche. Comme a dit le hadith, وَيَلُونِ الْعَقَ مِنَ النَّارِ. Prenez garde aux talons du feu. Du fait que des gens avaient fait l'odo et n'avaient pas mouillé leurs talons. Des parties qui étaient restées sèches. Donc l'odo, quand tu fais l'odo, il faut qu'il soit complet. Adam Inisbar et l'odo. Qu'il soit complet. Il n'y a aucune partie parmi les membres concernés qui reste sèche quand tu fais l'odo. Maintenant, Cheikh Yahya, par exemple, il a été interrogé une fois sur quelqu'un, par exemple, qui a fait l'odo bien et tout, et qu'il a une partie de son membre qui est restée, par exemple, sèche, qui n'a pas été atteinte par l'eau. Il s'est rendu compte après. Par exemple, on dit qu'une partie de ton pied, elle n'a pas été mouillée. Mathalan, tu viens de faire l'odo, tu sors, et tu viens de te rendre compte qu'une partie de ton pied n'a pas été mouillée. Si tu vois que, par exemple, ton pied est encore un peu mouillé ou quoi, tu mouilles l'eau qui reste sur ton pied, tu mouilles cette partie-là. C'est une petite partie simple. Ça suffit. D'accord? Par contre, si ça a séché, qu'il n'y a plus d'eau ni rien, tu retombes, tu lèves le pied. Par contre, si c'est un autre membre d'avant, tu retombes de là où tu étais. C'est-à-dire, si tu viens de faire l'odo à l'instant, d'accord? Et que tu vois que c'est encore un peu humide, tu vois une différence entre la partie mouillée et la partie sèche. C'est-à-dire c'est mouillé, c'est humide, mais c'est pas assez pour que tu puisses prendre l'eau et l'étaler, par exemple. Mais c'est encore frais. Et bien, tu retournes et tu refais l'eau de là où le membre, par exemple, concerné, il n'a pas été mouillé entièrement. On dit, par exemple, ses avant-bras, tu n'es pas obligé de recommencer de tout le début. Le visage, etc., les modes et tout. Tu recommences les avant-bras. Et ça, c'est, comme on dit, c'est une masala, surtout, il y a beaucoup de relèves dessus. Donc, celui qui est perdu, qui ne sait pas trop quoi faire, s'il recommence à zéro, m'afficher, allez. Mais je pense que la fatwa est surtout située par rapport au cas où la salade elle commence. La salade. Parce que là, t'es pressé. La salade, elle est bien les takbir et les haram qui a été fait. T'es pressé par rapport à ça. Voilà quoi. Donc à la base, c'est que si jamais tu as une partie de ta peau qui n'a pas été atteinte par l'eau, je t'en ai rendu compte, il faut que tu la mouilles. Sinon, l'eau n'est pas valable. Et si l'eau n'est pas valable, la salade non plus. Après, il a fini le chapitre. Parle des autres hadiths. الحديث الثالث وخمسون وعنه أي عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد متفق عليه que le prophète صلى الله عليه وسلم faisait l'eau d'eau avec un mud et qui faisait son roussel son lavage avec un sa' jusqu'à cinq mud cinq fusées. À la base d'un sort, c'est combien? C'est 4. Il se peut des fois qu'il y a rajouté un moud. Naam. Donc ce hadith est venu pour démontrer que pour faire l'eau d'eau, tu n'as pas besoin de prendre beaucoup d'eau. Et pour le rousse, pareil. Mais celui qui utilise plus d'eau que cela sans faire de gaspillage, c'est permis. Ça, on va dire, c'est la quantité utilisée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc celui qui arrive à s'en contenter, c'est ce qu'il y a de mieux. D'accord, c'est ce qu'il y a de mieux. Après, s'il a besoin de plus, là, chez Ali. À Hamshé, il ne faut pas faire d'israf. Pas de gaspillage d'eau. Comme on l'a dit, il faut laisser l'eau couler à flot, ce genre de choses. Économiser l'eau. Car c'est une ni'ma, il faut qu'on en soit reconnaissant. Et certains ulémas voient que c'est makrouh de faire plus que lui. Naam. Après, il finit, là, le chapitre de l'eau d'eau, en disant الحديث الرابع والخمسون وعن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة ثمانية يدخل من أيها شاء أخرجه مسلم والترمذي وزاد اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المطهرين رسول عمر رضي الله عنه que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il n'y a aucun d'entre vous qui ait fait l'eau d'eau et qui l'ait bien accompli et qui ne dise ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sans que les portes du paradis, les huit, lui soient ouvertes et qu'il rentre par celle qu'il veut. Quand même, apporté par Muslim. Et une version par Tirmidhi, un ajout qui est « Oh Allah, fais de mets-moi parmi les repentants et parmi les ceux qui se purifient. » Cette ziyada, elle n'est pas authentique. Donc il dit « Al-hukm al-mustafadu min al-hadith » ce qui a tiré profit comme de ce hadith. Il rapporte à Nawawi, dans son char de musulman, dans ce hadith, qu'il dit qu'il est mustahab lors de l'eau d'eau, une fois qu'il a été accompli, de faire la shahada. Ça, c'est une chose sur laquelle il y a ittifaq contre les ulama. Que c'est mustahab. Ce n'est pas obligatoire de faire faire la shahada, mais c'est mustahab. Mais regarde la grande récompense qu'il y a à ne pas négliger. À ne pas négliger. Non. Afoumahada. Donc c'est ça. Donc de là, on a terminé Bab al-Wudu. Inch'Allah, c'est un abda fi Bab al-Mas al-Khufayn. L'essuyage sur les khuf. Inch'Allah ta'ala. فلونا والحمد لله رب العالمين